dans les yeux de Marie d'Andrea Lindsay à CKRL 89.1. Et cette fois-ci, on va aller dans les yeux de Raymond Poirier pour parler technologie de l'information, puisqu'il est chargé de communication à l'ITIS. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Comment vas-tu? Mais ça va très bien. Et cette semaine, tu es là pour nous parler évidemment de technologie de l'information et tu vas nous parler de super ordinateur. Et oui, je suis super content de vous en parler également parce qu'on a le plaisir, en fait, à l'Institut de technologie de l'information et société de recevoir l'équipe qui a créé ce super ordinateur-là à l'Université Laval. C'est une conférence qui est ouverte à tous, qui est gratuite à 11h30 jeudi qui vient, donc jeudi le 3 novembre au pavillon Alphonse Desjardins. Et ce super ordinateur-là, eh ben, c'est IBM Watson. Donc c'est un ordinateur qui pousse un peu plus avant ce qu'on pouvait faire, ce qu'on concevait comme possible au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, en fait, l'idée derrière cet ordinateur-là, c'est de relever un défi que les concepteurs s'étaient donné, un défi de gagner au jeu questionnaire Jeopardy, donc un jeu qui est bien connu oui. aux États-Unis, un jeu où on trouve une réponse à des questions, mais des questions qui ne sont pas nécessairement émises de manière directe. Il y a des questions de jeu de mots, il y a une rapidité de réponse aussi, et également, il faut répondre correctement, sinon on perd des points, et on ne veut pas perdre des points parce qu'on ne peut pas gagner. Et le match a eu lieu les 14 et 16 février dernier, et l'ordinateur Watson a gagné. Il a battu donc en deux matchs les deux grands champions de Jeopardy, donc Ken Jennings qui lui avait le record de la plus longue suite de victoires. Je pense qu'il avait gagné 74, donc quand même un très bon joueur. Et il a battu également un autre joueur, Brad Rutter, qui lui a un record du plus grand nombre de gains gagnés au-dessus de 3 millions de dollars là, à Jeopardy. Et c'est un peu dans la suite parce que souvent, bon, Watson, je pense qu'on commence à en entendre de plus en plus parler. Et on avait aussi beaucoup entendu parler en 1997 d'un ordinateur qui s'appelle Deep Blue, qui lui avait vaincu aux échecs Garry Kasparov. Donc le joueur d'échecs, lui, Deep Blue. Le grand champion. Et c'est un peu un défi, donc, en apparence similaire. Par contre, au niveau technique, c'est très différent. Dans la mesure où, bon, quand on joue aux échecs, c'est une planche de 64 cases. C'est des règles, c'est des pièces qui ont toutes un rôle limité. Et donc, ce qui fait qu'au niveau de création des codes informatiques, ça devient un algorithme qui est, somme toute, assez simple. Dans la mesure où, à chaque coup, il faut simplement amener l'ordinateur à prévoir le prochain mouvement de l'adversaire, à établir quel serait le meilleur mouvement à partir de toutes les combinaisons possibles. Donc, ça se programme quand même bien. Oui. C'est surtout un exploit technique. Ouais. C'est un gros travail de programmation. Par contre, avec Jeopardy, là, on parle de nouveaux types d'algorithmes parce que le défi est de traiter le langage naturel, donc une question qui est émise par écrit, à laquelle l'ordinateur doit pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre les éléments qui vont lui permettre de trouver la bonne réponse. Et on le disait tout à l'heure, à Jeopardy, c'est pas toujours des questions évidentes du genre qui a fondé Québec. Ce serait plutôt cet exploit de Calais s'est démarqué en Amérique du Nord. C'est quelque chose du genre. Ben, juste le terme en anglais, Mercury, c'est autant le métal, la planète, la marque de voiture, le chanteur, Freddie Mercury. Donc, il y a beaucoup plus de variables auxquelles on doit prendre compte. Les questions dans Jeopardy peuvent contenir des jeux de mots, peuvent contenir des farces, des doubles sens, etc., etc. Donc, il faut s'organiser pour équiper l'ordinateur pour qu'il puisse, lui, appréhender tout ça de manière la plus adéquate possible. Et donc, pour ce faire, les chercheurs d'IBM ont donné à peu près l'équivalent de 200 millions de pages de contenu structuré, donc d'informations anatomiques, des atlas géographiques, etc. L'information non structurée aussi, comme des journaux, des documents historiques, des scénarios de films, des romans. Donc, 200 millions de pages d'informations. Et à partir de ça, Watson a été en mesure d'apprendre la langue anglaise. En bref, d'aller chercher les informations nécessaires pour répondre aux questions. Et à ça, ils ont ajouté aussi des informations d'ordre logique. Ils ont dit, par exemple, la pluie est mouillée, le père est toujours plus vieux que son fils, quelqu'un qui est décédé ne peut pas revenir à la vie. Donc, des informations comme ça pour lui permettre de bien réussir à démêler les données inscrites dans les questions et pouvoir répondre de manière adéquate. Finalement, on le pousse à réfléchir. Pratiquement. Pratiquement dans une perspective sémantique, donc il va chercher des mots-clés, il va chercher la présence de plusieurs mots-clés, plusieurs termes, plusieurs qualifications. Donc, exemple, si on parle d'une catégorie liée au hockey qui cherche un nom d'un certain joueur qui est né dans une certaine ville, qui est taxé dans une certaine époque, bien, il va éliminer les notions qui sont pas liées au hockey dans ses résultats. Et ensuite, on le disait tout à l'heure, quand on se trompe, on perd des points. Donc, il faut aussi lui donner la capacité d'analyser la viabilité de la réponse qu'il va proposer. Donc, si sa réponse, exemple, il est certain à 95% que sa réponse est bonne, bien, il risque de l'émettre, tandis que s'il est à 94% d'assurance, bien, peut-être qu'il va rester quoi pour cette question-là en disant, bien, regardez, je ne suis pas absolument sûr que ce soit la bonne réponse, mais je crois qu'à tel pourcentage de chance, ça risque d'être ça, puis à 22%, ça peut être un tel, etc., etc. Donc, de lui donner la capacité d'analyser les questions et d'analyser la qualité de la réponse qu'il compte donner. Sérieusement, ça me fait un peu peur. Pour vrai, là. Et il est assez massif, cela dit. Donc, c'est plus une intelligence qu'un objet capable de se déplacer, là. On parle d'un ordinateur qui est composé d'à peu près 10 racks qui contiennent chacun 9 serveurs. Si je vais dans le technique, c'est des serveurs Power 750 montés en réseau. Chaque serveur qui vaut à peu près 300 000 $ chaque, donc on peut multiplier, ça a coûté des millions et des millions de dollars, cet ordinateur-là. Donc, chaque serveur possède 32 cœurs. Donc, au total, chaque un de ces cœurs-là peuvent générer 128 tâches en même temps. Donc, ce qui fait que l'ordinateur dans son ensemble, s'il y a 2880 cœurs, ça veut dire qu'il peut faire 11 520 tâches en parallèle. Donc, c'est beaucoup. Donc, il fonctionne très rapidement. En plus, avec ça, il possède une mémoire vive de 15 000 gigaoctets et une puissance de 80 tétraflops. Pour faire les équivalences côté tétraflops, Deep Blue en 97, sa puissance totale était de 1 tétraflop. Watson, c'est 80. Et si on regarde à Bromont, il y a une usine d'IBM, et dans la salle des serveurs de l'usine IBM de Bromont, l'ensemble des ordinateurs, on parle d'une puissance de 4 tétraflops. Donc, c'est un ordinateur qui est extrêmement puissant, extrêmement pointu côté construction. Mais Raymond, peut-être pas la réponse, mais qu'est-ce qui pousse des gens à construire cet ordinateur-là pour jouer à Jeopardy? J'imagine qu'il y a autre chose là, que de jouer à Jeopardy. Oui, effectivement. En fait, Jeopardy, c'est un peu le test public qui permet de prouver à tout le monde que l'ordinateur est viable, que l'ordinateur fonctionne, qui est capable d'acquérir ce type de données-là et de répondre à des questions avec certains types d'outils côté recherche et le reste. Mais rapidement, en fait, une fois le défi relevé, ils ont réorienté l'ordinateur, ils ont réorienté Watson et ils l'ont mis, exemple, au service de la médecine. Alors, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont associés à une compagnie d'assurance qui s'appelle WellPoint et désormais, Watson va travailler avec des médecins et avec des hôpitaux à l'aide au diagnostic, notamment diagnostic de cancer. Donc, un peu comme un Dr. House de l'ordinateur. D'une certaine façon, si on pousse un peu plus loin. En fait, ce qu'il fait, c'est que présentement, au moment où on se parle, Watson est en train de se gaver de millions et de millions de pages d'informations médicales, des plus diverses. Et une fois qu'on va être en mesure, donc, de lui donner des informations diagnostiques, exemple, tel patient, telle maladie, tel élément. Donc, lui va être en mesure d'émettre une hypothèse de réponse avec le pourcentage de viabilité de sa réponse à lui. Donc, ça peut donner quand même un bon support diagnostique. Bien entendu, en médecine, l'idée, c'est quand même d'être sûr à 100% de se rapprocher le plus possible de 100%. Donc, ce qui fait que c'est qu'une fois que ces tests-là vont être complétés, là, l'équipe de Watson vont s'associer avec des médecins, vont faire des tests pour voir si effectivement il est en mesure de bien diagnostiquer et s'il évalue de manière correcte de lui-même les pourcentages de risque de ses, et les pourcentages de viabilité des différents diagnostics qu'il va donner avant de le rendre disponible. Et on a ciblé plus particulièrement le cancer pour l'exercice initial parce que on a évalué qu'à peu près 10 à 15% des diagnostics initiaux qui sont erronés. Et donc, si on réussit à diminuer ne serait-ce que de moitié ces diagnostics-là, ben, ça a un bon impact sur les vies humaines d'un côté, mais aussi sur les coûts engendrés par les tests et les médicaments associés à ces diagnostics qui étaient erronés-là. Donc ça, c'est une utilisation qui est peut-être plus pratico-pratique que gagner à Jeopardy. Et c'est ça, ce vers quoi tant IBM dans le développement de cet appareil-là. On cite l'exemple de la médecine. Remarque, Tania, ça pourrait bien être autre chose aussi. Là. Par exemple, on pourrait l'intégrer dans les secteurs financiers, dans les services à la clientèle, dans des secteurs institutionnels de manière générale. Là, parce que, de toute façon, il y a tellement de données qui sont disponibles actuellement qu'il y a pratiquement 90% selon certaines évaluations des données générées par les entreprises qui ne sont juste plus accessibles parce que pas suffisamment structurées. Et donc, on serait peut-être en mesure aussi d'augmenter la performance des entreprises avec des intelligences artificielles comme celle de Watson, finalement. Mais j'imagine que le but aussi, c'est de faire des ordinateurs qui, au bout du compte, vont coûter moins cher que des millions de dollars parce que, bon, un hôpital ou une entreprise aurait de la difficulté à s'en procurer un. Mais en fait, avec les coûts de développement justement qui sont associés à la mise en place du premier prototype, ben, ça devient aussi moins cher de le copier et de faire des clones, dans le fond, de Watson en utilisant les mécanismes d'apprentissage qui ont été développés pour le test Jeopardy dans les autres applications. Il faut dire aussi parallèlement que pour l'instant, aux États-Unis, WorldPoint, c'est une compagnie d'assurance, c'est pas un hôpital. Donc, ils ont probablement aussi un petit peu plus de moyens pour se procurer cet ordinateur-là, là, sous toute réserve, bien entendu. Donc, si on veut en savoir davantage sur Watson, le rendez-vous est cette semaine. Le rendez-vous est cette semaine, on le rappelle, donc jeudi le 3 novembre. Mettez ça à votre agenda et en plus, c'est une très, très belle opportunité parce que les gens qui vont être sur place, ce sont les gens qui ont supervisé la création de l'équipe de Watson. La conférence va être donnée en anglais, évidemment, parce que ces gens-là nous viennent de Californie, nous viennent du centre de recherche Thomas G. Watson. Oui, il est nommé en l'honneur du fondateur d'IBM, cet ordinateur. Alors, le conférencier principal, ce sera M. Annan Paul, qui, lui, est directeur mondial des relations recherche gouvernementale pour IBM. Donc, un type qui a été très important dans le développement de cet ordinateur-là, qui a supervisé l'équipe qui a créé donc Watson. Donc, ce sera une belle occasion pour tous, parce que la conférence aussi est faite pour être accessible. Elle est en anglais, mais par contre, à l'arrière, le diaporama qui sera présenté sera en français. Donc, ça permettra de des fois corriger les termes un peu plus techniques et d'assurer quand même une bonne compréhension. Et on apprendra donc l'histoire de Watson, sa mise en place technique, l'impact de sa création également. Alors, jeudi, le 3 novembre, donc jeudi qui vient, 11h30, c'est à l'atrium du pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval. Et Raymond, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le noter, on retrouve cette information aussi, les autres chroniques que tu fais dans Change de disque sur votre site Internet. Oui, au www.itis.ulaval.ca et toute l'information concernant la conférence s'y trouve. Et relayez le message à tous vos amis qui sont férus d'informatique ou qui ont envie de découvrir les dessous de la création d'un des appareils informatiques les plus impressionnants des dernières années. Eh bien, Raymond Poirier, chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on se reparle la semaine prochaine.